Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89,1 et nous commençons l'émission avec un périple à travers la planète, un périple que nous allons faire en bonne compagnie avec les oiseaux, les baleines, les tortues, les papillons monarques, mais surtout avec Christiane Dupont. Bonjour Christiane. Bonjour Valérie. Alors les migrations ont été un sujet de fascination pour l'homme depuis des millénaires. Les civilisations anciennes tentaient de comprendre la brusque disparition d'un grand nombre d'animaux, parfois avec des explications assez loufoques d'ailleurs, hein, par exemple que certains oiseaux enterrés dans le fond des lacs. Oui, il n'y avait pas d'autre raison dans ce temps-là. C'est quand même drôle comme explication. C'est une drôle d'explication. Mais en fait, la destruction de l'habitat est malheureusement un problème majeur chez de nombreuses espèces migratrices. Et c'est pour éclaircir ce sujet que finalement, tu veux nous parler des migrations animales. Oui, voilà. Alors, j'ai commencé par décrire un peu qu'est-ce qu'une migration. Eh bien, une migration, c'est un mot très large qui englobe plusieurs types de migrations. Faut savoir en premier lieu que beaucoup d'espèces habitent dans un habitat qui est difficile, à tout le moins pour une certaine période de l'année. Le Québec est un excellent exemple. Mm-hmm. L'été, c'est merveilleux. L'hiver, c'est vraiment difficile. Donc, il y a trois solutions qui se présentent aux animaux. Soit s'adapter, comme on peut dire les petites mésangeants. On les voit ici l'année longue, il fait moins 30, ils ont l'air de s'amuser dans les branches. Ça les dérange pas. Il y a l'hibernation. Ouais. Ou l'hivernation, ça peut être de ralentir beaucoup ou carrément de dormir, ouais. Ou juste quitter les lieux pour y revenir. On va revenir plus tard quand il va faire plus beau. On va en Floride. On va en Floride, on va se faire bronzer, on va revenir plus tard. Donc, c'est la migration. Donc, il y a différents types de migrations. Je serai pas exhaustive. Il y a la grande majorité des migrations, on peut les qualifier de migrations saisonnières. Donc, mm-hmm. comme beaucoup d'animaux au Québec, on voit les oies migrer à l'automne. Ça suit les saisons. Oui. Mais c'est souvent aussi latitudinal. Donc, on change de latitude, on part du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Il y en a qui montent l'été en Arctique très, très haut. Bon, bref, il y a un changement, c'est souvent ça. Il y a des altitudinales. Par exemple, certaines chèvres de montagne ont moins de prédation, en guillemets. Donc, l'été, s'il fait beau dans les hautes montagnes, elles vont monter très, très haut parce qu'elles sont pas mal tout seules à se tenir là. Fait que ça va bien, mais pendant l'hiver, elles vont descendre plus bas. Donc, il y en a que c'est vraiment côté d'altitude et pas vraiment de latitude. Il y a des migrations reproductrices, c'est vraiment, et une peut englober l'autre, là, c'est pour mettre bas. Hein. Il y en a qui se déplacent pour se nourrir et d'autres pour aller mettre bas en un lieu où il y a plus de nourriture, où c'est plus sécuritaire peut-être, il y a moins de prédation. Il y a des migrations nomades, ça c'est pas très défini, on ne sait pas trop pourquoi ils bougent, on ne sait pas pourquoi ils se promènent, souvent c'est des brouteurs. Question de ressources peut-être? Oui, probablement de ressources, mais c'est pas expliqué toujours par un seul facteur. Là, est-ce que tu penses au bon troupeau de gnous en Afrique, par exemple? Oui, il y en a qui sont plus saisonnières, je crois, là-dedans avec la saison des pluies, mais ça peut être un peu dans ce type-là. Il y a des migrations de départ permanent, c'est-à-dire, ben écoute, mes conditions sont trop mauvaises, on quitte et on ne revient pas. Ah, carrément. Oui, des fois, il y a comme un choix qui se fait. Et il y a des migrations complètes. Ça, c'est les plus impressionnantes. C'est quand tous les individus quittent le lieu de reproduction en même temps. Beaucoup d'oiseaux migrateurs, les fous de bassin. Oui. C'est impressionnant de voir une masse d'oiseaux qui arrivent et qui quittent et puis il n'en reste plus un. Transport collectif. Là. Transport collectif à son meilleur. Et c'est le cas des plus grands migrateurs au monde. Je vais y revenir avec les records, les chiffres intéressants, qui peuvent couvrir jusqu'à 25 000 km par année pour les reproducteurs de migration complète. Donc, c'est quand même... Même pour un humain, c'est beaucoup, 25 000 km. Et puis, il y a une migration d'interruption, c'est-à-dire une migration imprévisible non annuelle. On ne sait pas pourquoi il peut avoir eu un facteur, quelque chose qui a dérangé. Oups, ils s'en vont, mais un peu non expliqué. Et puis, parce que quand on pense migration, bon, tu as parlé des oies, puis effectivement, on pense aux oies tout de suite. Oui, les oies, j'ai parlé des gnous, c'était là ce qui me venait aussi à l'idée. Ceux qu'on connaît. Mais est-ce qu'il y a juste les oiseaux et les mammifères qui migrent? Eh bien non, bien que les oiseaux soient un peu les champions, toute catégorie, ceux qu'on voit, et puis... Ils ont un avantage, ils volent. Hein? Ça va bien pour se déplacer à pied, migrer. On ne peut pas battre des records autant. Des jeunes âgés, ça va mieux aussi. Donc, il y a des mammifères, il y a des insectes aussi. Il y a du zooplancton qui migre. Ah oui. Il y a des micro-organismes. C'est vraiment à toutes les échelles. Par exemple, la baleine à bosse. La plus grosse, une des plus grosses baleines au monde, qui n'est pas la plus grosse, mais qui va migrer de plus de 8500 km. C'est une énorme migration. Qui va mettre bas dans les eaux du Pacifique, dans le coin d'Hawaï, et va remonter jusqu'en Alaska, où il y a des eaux très riches à cause des remontées, des fonds océaniques, des upwellings, comme on dit. Donc, c'est quand même très impressionnant de nager comme ça dans le Pacifique. Et certaines baleines vont migrer et vivre sur la réserve de graisse pendant 9 mois ou 10 mois. Donc, souvent, il faut penser que quand les animaux migrent, ils ne se nourrissent pas en même temps. Mm-hmm. Ils ont une chose à faire, ils migrent. Ah, ils ouais. se sont engraissés avant et dans tout le temps de la migration, ils ne se nourrissent pas. Ils font plein de carburant avant, ouais. puis après, ils Donc, le métabolisme change beaucoup. Ah, c'est, c'est fascinant pour nous, les humains, qui n'ont pas du tout cette capacité-là. Il faut manger 3 fois par jour, sinon on perd connaissance. Bon. Il y a les saumons, par exemple, une espèce qu'on connaît ouais, bien, qui naît en eau douce, va vivre sa vie adulte en eau salée ouais. et va remonter la rivière pour aller retrouver à son lieu de naissance, repondre, et voilà. Intéressant aussi les anguilles. Mm-hmm. Peut-être que le mot « la mère des sargasses » peut sonner une cloche à quelques personnes. Toutes les anguilles du monde, je crois peut-être sauf celles du Pacifique, à valider, se retrouvent au même endroit pour se reproduire, même ouais. si c'est pas les mêmes c'est, espèces. C'est curieux, hein? Ouais, c'est ça, même si c'est pas les mêmes espèces. Ouais, et puis, elles peuvent se retrouver, être disséminées soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Les parents peuvent avoir vécu à Terre-Neuve, ouais. le bébé se retrouve en Amérique du Sud ou en France. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de loi. Mais c'est... pour se reproduire, elles vont tous ouais, au même endroit. Ouais, c'est vraiment, ça doit être une mer, ça doit être bizarre de voir ça. Oui, oui, oui. Les tortues marines également vont pondre leurs œufs dans le sable. Bref, et je voulais parler du record, c'est la sterne arctique qui voyage, fait des migrations de 80 000 kilomètres. C'est fascinant, c'est 2 fois le diamètre de la Terre. Ouais. C'est littéralement de l'Arctique à l'Antarctique. Ouais, c'est ça. Hein, donc, du haut de l'Alaska, je crois, après cette latitude-là, jusqu'à la Terre de feu. Ah, donc, ouais. C'est fascinant pour des petits oiseaux. Elle aime vraiment les conditions très froides. Hein? Oui, ouais, elle ne se donne pas de chance. Elle traverse le globe, elle passe au-dessus des forêts, des plages. Non, non, non, nous, on va se rendre à l'autre pôle. Donc, et puis, la... Petit fait intéressant, la barge rousse, qui est un oiseau également migrateur, détient le record du vol le plus long sans arrêt. Elle passe de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande, donc elle traverse le Pacifique un peu en une diagonale et peut voler jusqu'à 9 jours sans s'arrêter pour sans boire, escale. Ni manger, ni dormir, ni rien. Donc c'est endurci. Oui. C'est très impressionnant. Et puis, côté insecte, il y a le monarque qu'on ouais. voit ici au Québec pendant l'été, hein, un beau papillon, qui migre jusqu'en Californie et au Mexique pendant l'hiver. Ouais. Mais il y a des groupes de 100 millions d'individus en même temps, c'est très, très impressionnant. Mais ils doivent migrer sur 4 000, 5 000 kilomètres. Et le problème, c'est que la durée de vie d'un papillon est plus courte que le temps que ça prend Alors, pour comment migrer. Font-ils? C'est une migration intergénérationnelle. Ça, c'est fascinant. Les femelles vont voler, mais elles fatiguent, elles vont pondre, elles vont mourir. Et le bébé va continuer la migration. Il sait où s'en aller, ouais. alors qu'il n'a pas vu le début de la migration. Il ne verra peut-être pas la fin. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est fascinant. C'est fascinant. Ça, ouais. Alors, il y a tout un fait. Puis ouais. les monarques, on se dit, ça ne vole pas vite. Pourquoi ils ne se font pas manger? Mais les monarques se nourrissent de plantes toxiques. Comme ça, tous les animaux le savent et ils ne se font pas manger. Et nous, si on faisait un voyage de ce genre-là, on aurait une préparation. Là. On oui. s'en fait un voyage. Oui. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils mangent? La bonne vieille technique, c'est de faire une grande ingestion de nourriture, qui a un mot scientifique qui s'appelle l'hyperphagie, c'est-à-dire manger. Mais c'est régi par des rythmes circadiens internes. Souvent, ça va être déclenché par des facteurs de lumière, de température hormonale. Bon. Mm-hmm. Et le gras est la manière de stocker l'énergie de prédilection, parce que pour un volume donné, il y a plus d'énergie qui est libérée. Et puis même un papillon va engraisser jusqu'à 125 fois son poids. Donc, on n'imagine pas ça. On n'imagine pas un papillon gras. Tellement minuscule. Non, c'est ça. Mais même le papillon a des réserves. Ouais. Et puis certains organes vont grossir ou s'atrophier selon le besoin. Donc le cœur et les poumons, par exemple, pour une migration, c'est très cardio. Ben, ouais. Ils vont peut-être gonfler un peu. Et puis d'autres, l'estomac, le foie, le système digestif qui n'est vraiment pas sollicité à ce moment-là, va s'atrophier un ouais. peu. Et pour l'orientation, parce qu'ils n'ont pas de GPS, tout ça. C'est ça, nous, on a de la misère, on se perd dans une ville, il faut des GPS dans nos voitures, mais les animaux ont beaucoup de capacité, entre guillemets. Il y a des indices visibles, comme nous, qu'on peut comprendre. La topographie locale, bon, il y a telle les montagne, rivières, les rivières. Ouais, les barrières montagneuses. Beaucoup d'espèces également, celles qui volent, surtout, ont une vision polarisée, qui permet de voir l'orientation du soleil, même par temps couvert. Parce qu'ils se vont guider avec la lumière du soleil, mais si c'est très nuageux, et ça leur permet de... Écoutez, je ne peux pas élaborer exactement sur tout le principe physique, mais ils peuvent voir la lumière du soleil d'une autre manière que l'œil humain, par exemple, et ça peut les guider. Mm-hmm. Il y a également l'étoile polaire la nuit, parce qu'il y a des oiseaux qui vont migrer de nuit, parce que c'est plus dangereux. Ben, ou qui n'arrêtent tout simplement pas, alors ils vont ils se fient à l'étoile polaire, à tout le monde pour l'hémisphère nord. Il y a des indices invisibles, comme olfactifs, par exemple les saumons. Ah ben oui. Quand ils remontent la rivière, c'est l'odeur de la rivière qui le guide. Alors, ils se rappellent d'une odeur particulière. Oui, c'est donc, une mémoire olfactive. Donc, par exemple, la pollution, c'est un problème parce que ça change les odeurs des rivières et les poissons ne retrouvent plus leur lieu d'origine. Donc, ça les mélange. Et puis, magnétique. Le champ magnétique de la Terre aide à plusieurs espèces à s'orienter avec les pôles. Les tortues, les oiseaux, les crabes, les rongeurs vont tous avoir un... Ils sentent une perception du champ magnétique. Champ magnétique. Donc, ils arrivent à s'orienter avec. Exactement. Donc, ça nous manque aussi, ça. Oui, ça nous manque. On se rend compte qu'il nous faut des appareils pour nous aider. Et autre question aussi, comment ils savent que c'est le temps de partir? Bien, il y a plusieurs... Il y a plusieurs éléments qui vont faire qu'ils se disent, bon, ben là, c'est le temps que je m'en aille. Ça peut être, comme je dis, saisonnier. Souvent, bon, ben, il commence à faire frais, la durée du jour rapetisse, c'est quelque chose qui se passe, hop. La nourriture aussi, ça peut être un facteur qui n'est pas nécessairement relié à la durée du jour. Et tout simplement aussi, s'il y a une trop grande densité de population. À un moment donné, on est trop serré, il n'y a plus assez de ressources, ben là, il peut y avoir un groupuscule ou une sous-population qui se dit, ben nous, on va y aller, là, puis on va migrer ailleurs. On va aller tenter notre chance ailleurs. Donc, ça peut être aussi tout simplement trop de gens à la même place. Oui, oui. Ben merci beaucoup, Christiane, pour cet aperçu quand même assez diversifié. Oui, c'est vraiment seulement un bref survol, justement, pour faire de jeu de mots, mais c'est fascinant de voir. Non, on voit quand même que la migration est plurielle, hein. C'est plusieurs ordres d'animaux, puis de différentes façons pour différentes raisons aussi. Donc, c'est fascinant de voir qu'il y en a qui ont beaucoup d'endurance. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Valérie.